L'évangélisation du monde préoccupe le Seigneur et il interroge: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Une émission qui nous instruit et nous encourage à l'évangélisation, produite par la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Qui enverrai-je? Pour porter au flambeau. Qui enverrai-je? Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Pour porter au flambeau. Oui. Oui, c'est l'heure de Je suis avec vous tous les jours. Voici la rubrique qui nous tient en haleine depuis une semaine déjà. Et avec cette rubrique, nous avons vu le sous-thème la dernière fois, le logiciel divin. C'était avec le président Zamblé Simon Charlemagne, président de la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie. Et également avec la sœur Zélie Yvette. Ma secrétaire. La très secrétaire de la cellule. Alors, président, nous sommes là aujourd'hui encore pour poursuivre avec ce sous-thème. Oui, bien entendu. De l'autre côté de la baie vitrée, le très réalisateur Yahweh Emmanuel. Moi, c'est Esmel Didier, voilà, vous connaissez. Alors, président, le logiciel divin, la suite. On avait annoncé la lecture de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Oui, avant de lire Matthieu, permets qu'on salue tous nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays. Que le Seigneur les soutienne, surtout les évangélistes qui sont dans les villages, dans les campements. C'est à cause de vous qu'on fait ce type d'émission. Soyez fortifiés, soyez encouragés, quels que soient les moments par lesquels vous passez. Nous croyons que le Seigneur est avec vous tous les jours. Amen. Mm-hmm. Matthieu 5, verset 8. Matthieu, le chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Alléluia. Je rappelle qu'on est en train de parler du logiciel divin, que le chrétien est un logiciel que Dieu même a conçu. Et la dernière fois, on a expliqué que le logiciel, c'est un programme qui est conçu par quelqu'un et qui est mis en exécution pour atteindre des objectifs. Et nous, en tant que chrétiens, c'est Dieu qui nous a amenés sur la terre, c'est lui qui nous a créés. Mais en même temps, on a vu que quand il y a un logiciel qui est là, malheureusement, il y a des ennemis qui conçoivent contre ce logiciel-là des virus. Et le virus vient pour mettre frein, pour mettre des difficultés dans l'exécution du logiciel. Mais aussi, le concepteur, lui aussi, il vient avec un antivirus. Et on a expliqué combien de fois Jésus a dû intervenir pour Pierre. Et le même Jésus-là, il continue toujours de nous soutenir, de nous encourager. D'ailleurs, actuellement, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père dans les cieux pour intercéder en notre faveur, pour que tous les virus que Satan va envoyer contre nous, lui, il puisse concevoir des antivirus pour que rien n'empêche notre marche, notre évolution, pour que rien n'empêche notre épanouissement et surtout, rien ne bloque notre ministère. Pas qu'il n'y aura pas des embûches, il y aura des difficultés, des persécutions, des humiliations. Mais on sait aussi que tout logiciel a besoin d'être entretenu. C'est pour ça qu'on a lu Matthieu. Dans Matthieu 5, verset 8, on dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » Dieu a conçu un programme par rapport à notre vie. Et ce programme-là va s'exécuter. Et quand le programme commence à se mettre sur pied, Satan faisant à gauche, à droite, mais il est important que nous-mêmes aussi, nous soyons dans la disposition pour que Dieu fasse ce qu'il attend de nous. Et quelquefois, il y a des raccourcis que Satan vient nous proposer. Mais si ton cœur n'est pas pur, c'est difficile. Et c'est voire même quelquefois impossible de voir que ce logiciel-là est arrivé à ses fins, a pu réaliser ce pourquoi il a été conçu. Le cœur de l'homme, c'est le centre de sa vie. Le cœur de l'homme, c'est le siège de ses décisions. Le cœur de l'homme, c'est de là-bas que partent les bonnes comme les mauvaises pensées. Quand le cœur est pur, Dieu peut venir siéger dans ton cœur. Et quand Dieu siège quelque part, sa gloire aussi siège là-bas. Sa puissance aussi siège là-bas. Si Dieu est au centre de ta vie, puisque Dieu est force, il est sagesse, il est intelligence, il est victoire, tous les qualificatifs positifs qui émanent de Dieu vont se manifester aussi dans ta vie. Mais si, pendant que tu es un logiciel de Dieu, toi-même ton cœur ne marche pas dans la sanctification, dans la pureté. Ton cœur est attaché à ce qui est faux. Ton cœur est attaché à ce qui est mondain et terrestre. Ton cœur n'est empreint d'aucune aspiration à la pureté. C'est difficile. C'est très difficile de voir le programme de Dieu se manifester dans nos vies. Et tu vas voir que Didier, c'est pas que Dieu n'a pas de bons projets pour beaucoup d'entre nous, mais le manque de pureté dans le cœur. Quelquefois, on trouve des justificatifs, mais malheureusement, c'est les choses, c'est les bases que nous offrons au diable de nous empêcher de voir le plan de Dieu, le programme de Dieu se réaliser dans nos vies. Mais pourtant, Président, Dieu sait tout. Ouais. Dieu nous connaît, heureusement. Oui. Oui. Il sait ce qu'on est. Et en décidant d'établir un logiciel au travers de notre vie qui doit se concrétiser, oui, nous connaissant, est-ce qu'il ne pourrait pas nous aider à réaliser ce projet-là, ce logiciel qu'il nous aide. Il nous aide. Mais pourquoi d'ailleurs, est-ce quand même, nous-mêmes, nous pouvons être des entraves à l'accomplissement, à la manifestation? Oui, nous sommes des entraves quelquefois parce que, vous savez, quand Dieu vous conçoit comme logiciel divin, à la différence des informaticiens, il vous donne la marge de la liberté. Chez l'informaticien, tant qu'il n'a pas appuyé un bouton, le logiciel, il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Mais Dieu n'a pas besoin d'appuyer un bouton parce qu'il t'a créé déjà avec un élément dans ton programme qui te permet de faire des choix, qui te permet d'exécuter toi-même ta volonté et donc d'être responsable. Mais quand même, Dieu, sachant ça, il te met devant toi des conseillers. Il te met, par exemple, Dieu nous donne son esprit pour que son esprit nous donne de pouvoir faire les bons choix. Il te met devant toi le bon choix avec ses conséquences et le mauvais choix aussi avec ses conséquences. Et il va te pousser au bon choix. Je donne un cas. Dans Corinthiens, les Corinthiens avaient un problème de péché. Paul dit en tentation, il faut lutter contre le péché. Il faut résister quand la tentation vient. Que Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de votre force de résistance, au-delà de votre capacité à résister au péché. Et que nous avons la responsabilité de lutter au péché, même jusqu'au sang. Ce que Dieu n'a pas encore permis d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous. Quand il y a une situation, tu as un programme de Dieu. Le Seigneur t'envoie dans l'évangélisation. Et il sait qu'il y a un virus que Satan va mettre là-bas. C'est la fin. Tu évangélises 3 jours. Pendant les 3 jours, il n'y a même pas une personne qui va venir te donner à manger. Donc, pendant tes 3 jours, tu te retrouves en train de faire un jeûne et prière. Tu arrives dans une maison où tu allais faire porte à porte. Et pendant que tu fais porte à porte, tu es en train de donner la parole de Dieu à la servante qui est là. C'est pas un bon plat, foutu couché, ça fait 3 jours. Elle vient de pourrir dedans. L'odeur de ça là qui passe dans tes narines, il y a une voix qui te dit, que la servante là, tu vas voir, elle va se lever tout de suite. Tu crois que c'est une révélation que tu reçois comme ça? Elle va se lever tout de suite. Il faut couper un coup de ta main. Il faut couper un coup de ta main. Dès que la servante se lève, à cause de foutu pourri là, si tu lui, Dieu te permet de lui dire, ah ma soeur, c'est vrai qu'il n'était pas de Jésus, mais vraiment, j'ai un problème. Il y a un virus dans mon logiciel, ça s'appelle la fin. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Même si je prends un coup, ça peut m'aider. Si tu dis ça, ça fait quoi? Ça fait honte, mais à la fin, tu seras délivré. Mais la voix te dit, ah toi aussi, toi tu viens parler de Dieu aux gens et puis tu as demandé foutu, que attends quand il va se lever. Et Satan fait qu'elle se lève. Elle dit, j'arrive, hein, je m'en vais au petit coin. Le temps qu'elle revienne, tu prends un boulet, mais malheureusement, comme la soie, elle est là. C'est versé sur ton habit, au deuxième boulet dans ta main, elle est là. Tu vas voir que c'est la seule servante même qui peut-être n'allait jamais se donner à Jésus. C'est ton nom, mais elle va prendre pour gâter dans tous les cas. Le monsieur qui vient là-bas, lunettes là, c'est pas un secteur, il y a un boulet de foutu couché. Voilà, le logiciel a pris du retard dans l'exécution. Mais c'est ça la difficulté. Et souvent, quand il y a des difficultés qu'on appelle virus, mais il y a des propositions de l'ennemi pour contourner la vraie réponse à ces difficultés-là. On parle, on rit, mais c'est souvent des situations très délicates, hein, où il y a toutes sortes de propositions. On a donné le cas de la nourriture, ça peut être dans le cas de la sexualité, ça peut être dans d'autres cas où tu fais tout ce que tu dois faire pour Dieu et tu es devant une difficulté où il y a des propositions, des raccourcis de Satan, appelons ça comme ça. Satan te dit, écoute, on était fatigué, tout cela, tu as déjà beaucoup fait pour Dieu. D'ailleurs, mais Dieu même a dit que personne n'est parfait sur la terre. Non. Donc, il faut faire ça, ça a fini. Le temps que tu fais maintenant, tu es pris sur les faits. Tu as mis en retard l'exécution du logiciel que tu es. L'une des choses qui garantit l'exécution, la bonne qualité du logiciel, c'est de pouvoir avoir le cœur pur. Ce n'est pas ce qu'on fait devant les gens. Ton cœur est comment? Parce que tu peux être un grand évangéliste où tu exécutes ce que Dieu dit, mais ton cœur est mauvais. pendant que tu évangélises pour dire venez, Dieu vous aime, mais toi-même tu ne pardonnes pas aux gens. Tu vois le contraste, non, Didier? Tu ne pardonnes pas aux gens. Dès que quelqu'un a eu affaire à toi, celle-là, elle va me connaître, elle va connaître ma folie, elle va goûter un peu. Non, toi, tu dis, venez, tu annonces la bonne nouvelle, qui va goûter un peu? Ils vont goûter quoi? Par là que tu vas faire là, c'est ça que tu fais, la propagande, comme si c'était une bonne chose. Ah non, nous devons avoir le cœur pur. En la matière, je conseille à tous les frères qui sont dans le service de Dieu. Moi, je parle surtout aux évangélistes. On fait beaucoup de choses, mais il faut garder ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut demander à Dieu. Il y a des réalités de ton cœur. Alors, quelquefois, tant que tu n'es pas arrivé à cette révélation de Dieu, tu ne sais pas. Simon ne pouvait pas savoir que lui pouvait trahir Jésus. Il a laissé son travail pour Jésus. Il a laissé sa femme pour Jésus. Simon était marié. On le trouve dans... Puisque Jésus est parti chez sa belle-mère et tout ça, il a laissé son épouse pour Jésus. Comment va-t-il trahir Jésus devant les faibles femmes qui vont lui poser des questions? Il ne pouvait pas s'imaginer, mais Dieu lui savait ça de lui. Il y a des choses qui sont dans nos cœurs, dont la semence n'a pas encore produit les résultats. Donc on croit qu'on n'est pas capable. Mais déjà, la sagesse veut que tu commences à prier Dieu. Dieu, je ne sais pas, je ne me connais pas moi-même. Mais toi, tu me connais. Tu me connais aujourd'hui, tu me connais demain. Donc pardon, ce que tu vois demain qui peut être une cause de désastre, qui peut détruire l'exécution de ton programme dans ma vie, faut me délivrer, faut me sauver, faut m'aider, pardon, viens à mon secours. Même s'il m'arrivait, Seigneur, malgré tout ce que tu fais pour moi, de connaître les pires des chutes, donne-moi la force de revenir à toi, donne-moi la force de me repentir, délivre-moi de telle situation. J'ai vu la délivrance d'une servante de Dieu, d'un couple de serviteurs de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour le mari qui avait un démon de séduction. Quand il a fini, il a confessé que c'est vrai qu'il était évangéliste, mais il utilisait des procédés mystiques pour avoir les enfants. Il couchait avec toutes les femmes de son église. Et puis quand ils ont fini, ils ont pensé que c'était sa femme. Il a parlé aussi. On dit non, c'est ton mari qui a un problème. On a prié pour lui. Elle dit non. On dit, mais toi, tu es une prophétesse. Toi, tu n'es pas concernée. Elle dit, je veux parler. On dit, bon, parle. Elle dit, vraiment, moi-même, mon mari, c'est vrai, il a son problème. Moi aussi, mon problème, là. Je suis servante de Dieu, je suis prophétesse. Mais ça fait 18 ans que je fume. Je me cache pour fumer. Mon frère, le coin gâté. Tout le monde la voit comme la prophétesse. Quand la prière commence à se faire, elle commence à parler en langue. Mais après parler en langue, la servante de Dieu se cache pour fumer. Mais c'est des choses, c'est difficile. Parce que quand c'est comme ça, tu ne peux pas parler aux fidèles. On connaît les fidèles. Ils sont plus que journal télévisé. Ils vont envoyer ton nom même sur Internet. Que voilà, eux qui doivent t'aider à être délivrés. Donc, quand c'est comme ça, les gens préfèrent couvrir leurs difficultés, couvrir leurs péchés. Heureusement que Jésus, il est là pour nous délivrer. Et il nous aide à avoir le cœur pur, afin que le logiciel que nous sommes puisse garantir l'exécution du programme de Dieu à travers notre vie. On va lire aussi un autre texte. Hein. On va lire en l'occurrence Actes chapitre 6, verset 5, et puis en même temps Actes chapitre 8, verset 6. Écoutez bien ces deux textes-là. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Acte chapitre 8, maintenant verset 6. Ok. Prenez note, vous qui êtes à la maison, qui suivez, prenez note après, là, lisez ces textes-là. Acte chapitre 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Amen. On est en train de parler de être un logiciel divin. Un logiciel, c'est un programme qui est conçu par quelqu'un. Mais le programme peut être mal utilisé. C'est le cas de Philippe ici. Il y en a beaucoup dans l'église. Ils ne sont pas à leur place. Soit par le fait des hommes, ou bien par le fait des circonstances de la vie, ou bien par eux-mêmes leur fait. Regardez, l'église était encore nouvelle. Les miracles ont commencé à se manifester. Les gens sont venus de partout. Et puis, il y avait un groupe de chrétiens qui étaient hellénistes. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient originaires des contrées grecques. Et puis bon, il y avait le groupe des chrétiens qui sont originaires de Jérusalem, les Hébreux, nés d'Hébreux. Affaire de manger a commencé à envoyer par là. Toujours manger. Il y a un groupe qui dit, nous, pain que vous nous donnez là, c'est pas beaucoup. Pourquoi pour les autres là, c'est beaucoup? Pour nous, ça a commencé à distraire les apôtres. Et heureusement qu'ils ont été vigilants. Ils ont dit, C'est pas à cause de pain gaudio qu'on va laisser l'œuvre de Dieu et puis la prière pour venir gérer vos palabres. Donc, pour que l'église aille de l'avant et que rien n'empêche son épanouissement, choisissez 6 personnes. C'est là qu'ils ont institué, 7 personnes. C'est là qu'ils ont institué la diaconie. Choisissez des diacres et puis ils vont faire ça. Et puis on cite maintenant les diacres qui ont été choisis, parmi lesquels on a Étienne, mais on a surtout Philippe. Ils ont choisi Philippe. On l'a choisi comme quelqu'un qui va partager du pain. Oh, dans le programme de Dieu pour sa vie, ce n'est pas un gars de pain. Il n'est pas boulanger, il est évangéliste. C'est plus tard, 10 ans plus tard, passé de H chapitre 6 jusqu'à H chapitre 8, ça fait 10 ans. 10 ans plus tard, quand il y a eu la persécution, qu'ils ont commencé à fuir, c'est là que maintenant Dieu a permis que ce que lui l'a déposé en Philippe puisse se manifester dans nos églises, dans nos communautés, dans nos ministères. Il y a beaucoup de logiciels divins qui sont mal exploités, mal utilisés ou étouffés. Mais je prie que Dieu permette que leur étouffement aux mauvaises exploitations s'arrêtent cette année-là au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et que chacun puisse s'épanouir selon ce que Dieu a déposé dans sa vie. Que cette année soit une année de destinée, c'est-à-dire la valeur que Dieu a déposée en toi. Parce que quand on dit que quelqu'un a réussi, c'est ce que Dieu a déposé en lui qu'il fait. C'est ça qu'on dit, quand quelqu'un a réussi. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui travaillent, qui ont 1 million par mois, mais ils peuvent démissionner parce qu'il n'est pas épanoui. Il sent que ce à quoi Dieu le destine, ce n'est pas ce qu'il fait. Et les hommes peuvent t'amener à cela. On peut te choisir à l'église pour dire non, toi vraiment... Tu joues bien guitare, faut venir jouer guitare. Entends-toi aussi, tu es dans tout ton cerveau. Mais, oh Dieu veut que tu ailles sauver des âmes. Regardez Philippe, quand il a commencé à évangéliser, la Bible dit que des miracles se manifestaient par lui. On l'avait choisi comme un partageur de pain, un distributeur de pain. Et peut-être même quelqu'un distribue pain. Les gens disent, non, toi, c'est Dieu qui t'a qualifié pour distribuer. Mais ta façon de couper le morceau, ce n'est pas comme pour les autres. C'est faux. Dieu l'a choisi en tant qu'évangéliste. La mauvaise exploitation du logiciel étouffe le logiciel, empêche le logiciel d'aller de l'avant. Je rappelle qu'on est dans la rubrique qui s'intitule « Je suis avec vous tous les jours ». Si Jésus nous fait la promesse d'être avec nous, c'est parce qu'il garantit déjà que tant que nous aussi on sera avec lui, on va réussir la mission à laquelle il nous a appelés. Quand Dieu t'appelle en tant qu'évangéliste, il garantit tout. Mais toi-même, tu peux être un instrument à la base de ton échec. Il y en a, ils sont au village. Dieu les choisit au village. Hein? Prenons un village de la zone de Mbayakro. Tu es quelque part là-bas, tu te débrouilles. Hein, tu évangélises tous ceux qui boivent Bangui matin, midi, soir. Maintenant, comme Dieu a déposé un petit don de révélation dans ta vie, tu es au village où tu réussis bien. Tu es devenu même une star dans ton village. Reste au village. Un matin, tu as te lever pour prendre tes badichons et tout ça. Là, tu dis, je m'en vais à Abidjan, c'est là-bas la capitale. Et puis peut-être un évangéliste hein, déplacé d'Abidjan allait te rendre témoin que lui, il a prié pour quelqu'un. La personne lui a offert cellulaire. À cause de cellulaire, tu laisses ton ministère qui réussit au village pour venir à Abidjan. Et puis Abidjan, c'est pour habiter à Gonzague. Et je salue tous les gens de Gonzague. Tu n'es pas arrivé à Abidjan, tu n'as pas traversé le corridor. Et tu es là-bas, tu souffres, tu ne peux pas payer maison. Au village, tu mangeais, ce n'est pas matin, midi, soir, tu mangeais à tout moment. Et ton ministère florissait. Maintenant, tu es venu à Abidjan, tu tournes en rond. Toi qui étais un bon évangéliste, au village, c'est vrai, mais quand même un bon évangéliste, aujourd'hui, tu es devenu un mendiant. Tu as oublié de fabriquer des révélations. Mon frère, il faut retourner. Retourne au village, demande pardon à Dieu et va. Les âmes que Dieu a préparées d'avance pour te bénir sont au village. Parce que c'est des petits calculs qu'on fait souvent. Et puis malheureusement, moi j'en vois plein à Corodi. Je salue tous les frères et sœurs de Corodi. Là-bas au moins tu es enfin fidèle. Tu savais au moins que tu faisais l'œuvre de Dieu. Il y en a au moins qui étaient épanouis, qui connaissaient la joie et le bonheur par ton ministère. Est-ce que Dieu est pressé? Élisée a dit à Naaman, est-ce que c'est le temps à Géasi, est-ce que c'est le temps de prendre l'argent, de prendre ça là? Il y a un temps pour ça. La mauvaise exploitation du logiciel détruit le logiciel ou bien empêche le logiciel d'aller de l'avant. Il y a des gens aussi, parce que peut-être dans leur église, on dit non, si tu n'es pas pasteur, tu n'es rien. Il veut devenir pasteur forcé. Bon, on dirait que ça c'est quelquefois nous aussi notre cas. Mais bon, le Seigneur aide-nous. Comme les gens portent robe noire, c'est pas funérailles, mais ils sont dedans. Hey, petit col blanc. Tu veux porter robe noire? Après, maintenant, on va t'étouffer. Tu n'as pas la force de parler. Tu es là, tu tournes en rond. En fait, le pasteur là même, il ne me sent pas. Qui t'a mis dedans? C'est ma robe. Faut donner robe là. Ou bien si tu gardes, tu ne peux pas faire ça. Parce que le problème dans ça, Didier, c'est quoi? Au jour du jugement, personne ne va te défendre. Est-ce que les gens comprennent ça? Personne ne va te défendre. Personne. Paul dit quoi? Il dit, l'évangile que j'ai reçu, je ne l'ai reçu de personne. Pas d'un homme, ni des hommes. Je l'ai reçu de Dieu. Et parce que j'ai été mis à part depuis le ventre de ma mère, lorsqu'il a plu au Christ de se manifester à moi, de se révéler à moi, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je me suis engagé. Dieu t'a appelé. Les hommes peuvent te choisir, te mettre quelque... On dit que tu es président, président de la communauté. C'est titre seulement. Toi-même, tu ne vois pas que tu es en train de mourir à petit feu. Matin, tu te lèves, matin, tu t'en vas à l'église. Quand tu es président, ta démarche a changé. Mais l'onction ne coule plus sur toi. Tu vis au passé seulement. Non, avant. Non, avant. Eh bien, le présent, toi, tes conjugaisons, là, c'est au passé. Il faut conjuguer un peu au présent ton ministère. Mais, Didier, on m'a parlé d'un homme de Dieu qui était loin par le Saint-Esprit. Et son ministère était béni. Il s'est levé, il dit ça aux États-Unis, comme tous ses camarades vont se terminer. Œuvre de Dieu, ce n'est pas imitation. Chacun est un logiciel que Dieu a conçu. Quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé identiquement à l'autre. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je suis le programme de Dieu pour ma vie. Un point très. Là où Dieu me destine, je prie qu'il m'aide à atteindre cette destination-là. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Que l'autre réussisse en griffe, qu'il ait une voiture, qu'il ait quoi. Quand mon temps d'avoir ça là va arriver, Dieu va faire. Et puis ce qui est formidable, toutes les bénédictions qu'on cherche, Dieu a déjà fait ça. Il a déjà préparé tout. Faisons seulement ce qu'il attend de nous. Et tu sais, Didier, on a dit que cette rubrique, c'est pour encourager les frères et sœurs à revenir dans le champ de Dieu et à travailler pour le Seigneur. On va lire Colossiens chapitre 3. Avant ça, président, tu parlais de l'homme de Dieu qui voulait aller aux États-Unis. Non, il est parti, il a joué. C'était ça. Et il n'avait pas dit les choses, il ne comprend même pas anglais. Depuis il est là-bas. Alors que chez lui, tout réussissait en France. Parce qu'il y a un autre homme de Dieu qui est venu. Toi, Dieu t'appelle à un ministère international. Là encore, et prophète des nations, ministère international. Toi, tu es dans le campement, tu dis ministère international. Pas que Dieu ne peut pas faire des choses, il fait. Tout ministre de Dieu est international. Par exemple, le corps de Christ, par essence, est international. Il n'est pas limité à une nation. Donc, il y a les vocables international, des nations, des continents, des planètes. C'est les histoires. C'est le travail qui fera le reste. Quand tu vas travailler pour Dieu, dans le programme de Dieu, si c'est prévu que tu es aux États-Unis, tu ne vas pas aller faire rang à l'ambassade. Le jour où ton temps d'aller aux États-Unis va arriver, peut-être que c'est le conseiller de l'ambassadeur qui a venu chercher ton passeport ou parti. Dieu fait ça. Ou bien il ne peut pas faire. Si. Travaillons pour Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Président, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Okay. Colossiens, ça sera pour la prochaine fois. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est les logiciels divins. Les logiciels divins, la prochaine fois pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Tu tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Tu tiens ta main. Fais-moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. La cellule d'évangélisation classique vous a proposé Qui enverrai-je? Si vous désirez garder le contact avec nous, appelez tout simplement le 04 81 57 66 ou au 23 51 59 55. Vous pouvez nous rendre visite à notre siège situé à Yopougon-Trois-Rouges en face de la pharmacie Eben. Site web www.cec-du6muc.org.